troisième temps de notre série d'émissions sur la préhistoire. Ce matin, nous nous intéresserons aux romans et aux récits consacrés à la préhistoire, et en particulier à l'un d'entre eux, Vercors et ses animaux dénaturés. Après avoir lundi expliqué comment les méthodes de recherche récentes ont bouleversé nos connaissances sur la préhistoire, puis hier nous être arrêtés sur la vie et sur l'œuvre d'André Leroy-Gourand, le théoricien de l'ethnologie préhistorique, et avant demain de vous proposer un documentaire radio rare enregistré dans la grotte d'Afrique du Sud, Sterkfontein, où se trouvait l'australopithèque le plus complet d'Afrique du Sud et peut-être même d'Afrique, eh bien aujourd'hui nous nous intéresserons, grâce à des textes lus par Nathalie Canoui, à l'œuvre de Vercors, l'auteur entre autres du Silence de la mer, mais aussi des Animaux dénaturés, un roman d'après Seconde Guerre mondiale sur le chaînon manquant, comme on appelait cela à l'époque, et on l'a appelé pendant longtemps, entre les singes et les hommes. Nous en parlerons avec Victor Massé de l'Épinay, qui a préparé cette semaine avec nous et qui co-animera cette émission avec nous, et avec Brigitte Senu, elle est enseignante chercheure au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, et Pascal Semonsuite également avec nous, il est professeur d'histoire, et il a écrit un livre sur la préhistoire telle qu'elle a été racontée par les romans et par les récits fictionnels. Et nous en discuterons avec eux deux, mais d'abord, un premier extrait, justement, de ces animaux dénaturés de Vercors. Je ne supposais pas, chère Frances, que je pourrais vous donner des nouvelles aussi vite. Nous sommes à 700 milles de tout lieu habité, du moins civilisé. Devant nous se dresse la chaîne infranchissable du Takura. Et derrière, la masse à peine plus franchissable de la forêt vierge. Il n'y a pas de courrier possible. Du moins, il n'y en avait pas jusqu'à ce jour. Mais tout a été bouleversé par une découverte de Krebs que je vais tenter, si je peux, de vous expliquer. Chère Frances, nous sommes scandaleusement ignares. Savez-vous mieux que vaguement, et par oui dire, ce que c'est que le pithécanthrope? Et l'australopithèque? Le synanthrope? L'homme de Néandertal? Donc, voici ce qu'il faut savoir. À l'origine des hommes et des singes, on le sait désormais de façon à peu près sûre, il y a une souche unique. Celle-ci a buissonné, c'est l'expression technique, c'est-à-dire qu'elle a subi, selon les contraintes diverses des conditions environnantes, des formes variées d'évolution qui ont donné naissance à des rameaux divergents. Au bout de ces rameaux se trouvent actuellement, d'une part, toutes les familles de singes, d'autre part, toutes les races des hommes. Ainsi, l'homme ne descend pas du singe, mais le singe et l'homme descendent chacun de son côté de la même souche originelle. Toutefois, dans ce buissonnement, nombreuses furent les formes qui ont prospéré quelque temps et puis ont disparu. On trouve dans les terrains du Pliocène et du Pléistocène, dans des couches géologiques vieilles d'un ou deux millions d'années, quantité d'ossements fossiles d'espèces variées de singes, éteintes depuis des millénaires. On a trouvé aussi à Java, en Chine, au Transvaal, des crânes ou des morceaux de crânes d'animaux quasi-humains qui ont disparu eux aussi. Ce sont ces animaux qu'on appelle pithécanthropes, ce qui veut dire homme-singe, ou australopithèques, singe du Sud, ou synanthropes, l'homme de Chine. Ces crânes, d'ailleurs différents entre eux, sont plus développés que ceux des plus grands singes actuels, mais moins développés que ceux des hommes les plus primitifs. Ils sont à mi-chemin. Parmi les anthropologues, les uns pensent que ces animaux étaient nos ancêtres directs. Les autres, peut-être pour des raisons théologiques, qu'ils étaient l'aboutissement d'un rameau à part qui s'est éteint il y a 600 ou 800 000 ans, peut-être exterminé par le rameau voisin des hommes véritables, plus intelligents et plus cruels. Eh bien, il y a une dizaine de jours, Krebs a découvert dans un éboulis volcanique, vieux de milliers de siècles, un morceau de crâne qu'il a rapporté. D'après lui, c'était un crâne intermédiaire entre celui du synanthrope, un des singes fossiles les plus proches de l'homme, et celui de Néandertal, l'homme fossile le plus proche du singe. Il pensait ainsi fournir de l'eau au moulin des deux Grimm, puisque l'antique existence de cet être ambigu, encore singe et déjà homme, serait en faveur de leur thèse d'une lignée unique. Mais, ai-je demandé, encore singe et déjà homme? Qu'est-ce que cela veut dire précisément? Que ce n'était qu'un singe ou que c'était un homme? Mon vieux, m'a dit Sibylle, les Grecs ont longtemps disputé de la grave question de savoir à partir de quel nombre exact de cailloux on pouvait parler d'un tas. Était-ce 2, 3, 4, 5 ou davantage? Votre question n'a pas plus de sens. Toute classification est arbitraire. La nature ne classifie pas. C'est nous qui classifions, parce que c'est commode. Nous classifions d'après des données arbitrairement admises, elles aussi. Qu'est-ce que ça peut vous faire au fond que l'être dont voici le crâne entre nos mains soit appelé singe ou soit appelé homme ? Il était ce qu'il était. Le nom que nous lui donnerons ne fait rien à la chose. Croyez-vous ? Ai-je dit. Elle a haussé les épaules. Seulement, c'était avant. Un extrait des animaux dénaturés qui sera au cœur de notre émission d'aujourd'hui, dans notre séquence de 4 émissions consacrées à la préhistoire si proche et si universelle. Avec vous, Victor Massé de Lépiné, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous, Pascal Semonçu, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Brigitte Senu, bonjour. Bonjour. Vous avez lu et relu même ces animaux dénaturés de Vercors, dont on vient entendre un extrait lu par Nathalie Canoui, pour un ouvrage collectif préfacé par Yves Coffin, ce qui vient de paraître aux éditions La Ville Brûle, qui s'intitule « Variations sur l'histoire de l'humanité ». Et vous êtes chargé justement de reprendre cet ouvrage de Vercors, datant de 1952, en tant que spécialiste vous-même de cette histoire de la préhistoire, et tenter de voir ce qui a changé entre la vision de Vercors, donc d'après la Seconde Guerre mondiale, et la nôtre. Et alors qu'aujourd'hui, dans Le Monde, paraît un entretien avec Claudine Cohen qui dit que l'idée du chaînon manquant est un mythe, c'est tout juste paru sur le site du Monde, eh bien, c'est pourtant au cœur, justement, de ce roman de Vercors. Que raconte-t-il exactement, ce roman ? Ben, il raconte une histoire qui nous emmène à nos origines et qui pose le problème majeur de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que l'humanité. Et c'est un débat qui n'est pas clos aujourd'hui, puisque si à l'époque on avait des idées relativement claires sur ce qu'était un singe et un homme, la définition déjà à l'époque posait problème. Est-ce que l'homme doit être déterminé par son cerveau, par ses outils, par sa locomotion ? Par sa bipédie ? Sa locomotion, sa bipédie, exactement. Donc déjà, ça bouillonnait à l'époque. Mais il y avait, j'allais dire, dans les années 50, une idée claire, c'est qu'à partir du moment où vous étiez un homme, vous étiez bipède. Donc forcément, dès qu'on trouvait un crâne plus ou moins humain, il était bipède. Et malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et j'ai eu la chance de travailler sur Lucie pour ma première thèse, et j'avais montré justement que ces hominidés anciens, ces ancêtres de l'homme ancien, ils étaient à la fois bipèdes et grimpés aux arbres. Donc ils avaient des caractères très clairs d'humains, ils avaient des caractères assez clairs, encore clairs, de primates non humains. Et pourquoi Vercors se pose-t-il cette question après la Seconde Guerre mondiale ? Il appartient à un certain milieu, à un certain moment de la réflexion humaniste, pourrait-on dire, d'après la Seconde Guerre mondiale, pour définir l'humanité ? Oui, je pense que là, c'était un point clé de l'histoire. Mais là, un historien des sciences serait mieux approprié que moi, plus approprié que moi pour vous en parler. Mais je pense aussi que c'était une époque où on avait un certain nombre de découvertes qui venaient, comme ça a été dit dans le texte, d'Afrique du Sud, avec l'enfant de Tang, le fameux Australopithecus africanus, qui avait posé beaucoup de débats, puisqu'à l'époque on pensait que l'ancêtre venait d'Asie et c'était le premier reste africain. Donc le pauvre Raymond Dart, son inventeur, qui était jeune chercheur à l'époque, a divisé le monde scientifique. Est-ce que l'ancêtre vient d'Afrique ou il vient d'Asie ? Donc c'était déjà à l'époque très discuté. Et puis en Asie, on avait évidemment, comme vous dites, le synanthrope, et puis on avait des choses en Europe également, hein, faut pas oublier. Néandertal était déjà connu. Donc ça, il y avait quand même pas mal de choses en Europe. Et puis cette peuplade qui vient de Nouvelle-Guinée, là, qui est découverte dans le roman de Vercors. Donc ça remettait un peu à flot cette histoire Asie aussi. Y a-t-il une souche unique ? Y a-t-il plusieurs souches ? Y a-t-il buissonnement ? Est-ce qu'il y a polymorphisme, polyorigine, j'allais dire ? Donc c'était très discuté et ça correspondait à un grand mouvement de pensée après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et lié justement à cette question de l'humanisme. Victor Massé de Lépiné. Oui, Pascal Semonçu, vous êtes un spécialiste de la préhistoire en fiction et de la façon dont la préhistoire a été traitée par différents supports, le cinéma, la bande dessinée, la littérature. Avant qu'on avance un petit peu et qu'on explique un peu l'intrigue de ce roman de Vercors, est-ce que vous pouvez essayer de nous dire ce qu'il caractérise, en quoi est-ce qu'il est peut-être particulier, ou la façon dont il aborde ces questions ? Il faut noter que ce n'est pas à proprement parler un roman préhistorique. J'ai apporté ici, vous l'avez remarqué, le roman de Roy Lewis, Pourquoi j'ai mangé mon père, qui a été traduit par Vercors et préfacé par Vercors. Là, c'est un roman qui se passe il y a quelques millions d'années. Vercors, ça se passe dans la société contemporaine des années 50. Mais c'est un roman qui fait appel, enfin, ou qui fait intervenir des hommes singes, puisque c'est comme ça qu'on va les appeler, ou des tropies, des paranthropus. Comment est-ce que ce roman se caractérise, Pascal Semonsu? Oui, la littérature de préhistoire, il y a plusieurs types en littérature de préhistoire. Il y a les romans qui se déroulent pendant la préhistoire, et puis il y a les romans qui parlent de la préhistoire. Alors, ces romans qui parlent de la préhistoire sont pas majoritaires dans la production littéraire. Et c'est vrai que dans l'extrait qu'on a lu, on touche là aux limites des rapports entre fiction et science. C'est-à-dire que le roman préhistorique, c'est un roman historique, mais il ne veut pas se faire cours d'histoire. Et l'extrait que vous nous avez lu montre là quand on touche aux limites du genre. Oui, parce qu'il y a beaucoup, il s'est référencé en l'occurrence par Vercors. On voit qu'il a lu la littérature scientifique de l'époque. Voilà, c'est référencé, il a lu la littérature, sauf qu'il ne faut pas oublier que les gens qui lisent un roman, ils ne veulent pas un cours d'histoire. Oui. Et donc là, on touche aux limites du genre, qui fait que, certes, il faut expliquer, mais il faut faire rêver avant tout. Alors, Vercors réussit à faire rêver ou cauchemarder, ça dépend de quel côté on se met. Si on se met du côté du Tropio qui, lui, a été immolé sur l'autel de la science, c'est plutôt un cauchemar. C'est ce petit enfant dont on peut expliquer qu'il est né d'une façon assez bizarroïde dans le roman de Vercors. Petit enfant né de cette tribu retrouvée justement du côté de la Nouvelle-Guinée, qui serait cette tribu entre les singes et les hommes. C'est du moins comme ça que Vercors le présente. Voilà. Et ce thème du monde perdu qu'on retrouve, c'est un thème aussi qui parcourt la littérature. Bah, c'est Jurassic Park ou Conan Doyle, si vous voulez, le monde perdu de Conan Doyle, mm-hmm. Qui a donné maintes adaptations au cinéma. Et ça me fait penser un petit peu cette histoire de monde perdu qu'on retrouve à une réflexion que Théodore Monod se faisait. Alors Théodore Monod, qui est celui qui a dit à Vercors qu'il fallait qu'il traduise le livre, tellement Théodore Monod s'était étranglé de rire. Voilà, tellement Théodore Monod s'était étranglé de rire en lisant le livre. Et Théodore Monod raconte dans le désert du Sahara, quand, lors de ses nombreuses méharées, il trouve un biface. Il le ramasse. Il y a une face qui est complètement polie et il y a une face qui est brute. Et en prenant ce biface, il se dit, la dernière fois qu'il a été posé, il a été posé par un homme préhistorique il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'années. Et là, le temps se rétrécit. Le passé rejoint le présent. Et je crois que ce qui plaît dans ces histoires de monde perdu qu'on retrouve avec Conan Doyle et qu'on retrouve avec Vercors, c'est justement ce rétrécissement du temps et cette superposition. C'est d'ailleurs ce que vous faites chaque jour en tant qu'enseignante-chercheuse au muséum, Brigitte Senu, et en allant sur les lieux de fouilles sur lesquels vous travaillez, c'est-à-dire de tenter de raccommoder ces dizaines de milliers d'années, voire ces centaines de milliers d'années, et de faire en sorte qu'elle ne soit plus une coupure, mais qu'elle soit une jointure avec justement les Australopithèques sur lesquels vous pouvez travailler ou sur les personnages sur lesquels vous travaillez. Exactement, mais aujourd'hui on va même plus loin, puisqu'on a trouvé des zones minées très anciennes, 6 millions d'années, 7 peut-être, et aujourd'hui on va beaucoup plus loin, parce qu'on sait que la limite entre l'homme et le singe actuel devient de plus en plus ténue, donc il est important de travailler sur les ancêtres des deux lignées. Mmh. Et aujourd'hui, on va travailler même sur l'ancêtre des grands singes, et toute découverte sur les grands singes nous apprend quelque chose sur notre histoire à nous. Mais dans le roman de Vercors, moi ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement c'est ce bébé de Tropio, mais ce bébé, il naît d'une insémination entre l'homme et ses paranthropes. Mmh. Donc c'est encore quelque chose d'autre dans l'expérimentation scientifique. Oui, et tout de même dans le premier texte qu'on a lu de Vercors, des animaux dénaturés, il y a cette idée très originale et très intéressante qui sépare d'une certaine façon le 19e siècle de la préhistoire du 20e siècle, c'est quand il dit toute classification est arbitraire. Effectivement, il y a cette idée qu'on avait créé une sorte d'arbre généalogique des humains et des animaux au 19e siècle, depuis Linné et la suite, et qu'aujourd'hui, eh bien, tout cela, comme on le disait lundi, est un peu plus flou. Alors, la classification question, elle est importante quelque part, parce que ça nous donne des cadres de réflexion, ça donne des cadres disons, pour travailler plus facilement. Mais toute classification n'est pas parfaite. On a heureusement les classifications qu'on doit aligner qui restent la base du système, mais après, il y a toute l'histoire de travailler sur les caractères dérivés, enfin ceux qui vont être plus évolués, plus primitifs. Et chaque être, en fait, est un mélange de ces caractères. Donc, quand on prend une population, on s'aperçoit que ces mélanges, ils sont plus brassés. Et plusieurs populations, ça devient encore plus complexe. Mmh. Victor Massé-Lépinay. Oui, simplement pour faire un petit point quand même sur l'intrigue de ce livre, puisqu'on on est allé un petit peu vite. Une expédition trouve donc en Papouasie une nouvelle race de d'hominidés, on peut dire ça comme ça, qui est donc homme-singe et qui sont surnommés les tropies. Et comme on ne sait pas si c'est des singes ou des hommes, il y a plusieurs tentatives qui sont faites. On l'a dit, il y a l'insémination artificielle d'une femelle tropie par Doug Templemore, enfin le sperme de Doug Templemore qui est le héros du livre. Cette insémination donne lieu à un petit enfant. Mais avec le sperme d'un singe, ça marche aussi. Alors ça ne suffit pas à savoir... Parce que l'idée est de savoir, est-ce que c'est un homme ou un singe. Et finalement, il faut dire quand même que Doug Templemore va faire reconnaître son enfant à l'état civil, va le faire baptiser par un prêtre. Oui. Donc ça, c'est des scènes assez cocasses. Mais va finir par tuer son enfant en se disant, il faut que j'aille devant la justice. Il se sacrifie d'une certaine façon. Si la justice décide que je suis un criminel, c'est donc qu'elle aura décidé que ce petit être était un homme. Et c'est là donc toute l'intrigue se met en place avec c'est un roman essentiellement juridique. Ça se passe beaucoup dans un tribunal. Juridico-scientifique. Voilà, c'est paléopolitique. Et paléopolitique, c'est bien comme expression pour parler des animaux dénaturés de Vercors, dont on va lire un nouvel extrait. Nathalie Canoui nous lit un extrait de ce roman aux pages 90-92 dans sa version du livre de poche. Et on y parle de hiérarchie des races. Cher Frances, je vous envoie 6 juin l'article qui vient de paraître à Melbourne dans une des plus grandes revues australiennes. Il porte la signature de Julius Drexler, anthropologue de renom, mais de réputation vénale. Et il pourrait bien ouvrir la voie à des abominations sans limite. Que dit Drexler en substance ? Que la découverte du Paranthropus gremiensis, ce sont les tropies, ma chère, non seulement vient confirmer nos connaissances sur les origines de l'homme, mais encore et surtout balayer les notions que nous avions de l'homme lui-même, ou plutôt des espèces diverses que nous englobions à tort dans ce mot unique. Puisque, montre-t-il, si l'on veut classer le Paranthropus dans l'espèce homo, c'est accordé que cette espèce peut comporter des individus quadrumanes, sans compter maint autre attribut simien. Si, en revanche, on lui dénie l'appartenance à l'espèce homo, de quel droit alors appeler homme le fossile de Heidelberg à la mandibule de chimpanzé, et celui de Néandertal, qui ne diffère du tropique que par quelques détails de charpente? Et ainsi, de proche en proche, pourquoi appeler homme le fossile de Grimaldi, qui ne diffère du précédent que par quelques détails encore, celui de Cro-Magnon, et enfin le pygmée d'Afrique, le Véda de Ceylan, ou le Tasmanien, dont la boîte crânienne est moins développée que celle de Cro-Magnon, et dont les arrières molaires comportent encore un cinquième denticule, comme chez les grands singes. L'apparition des tropies, conclut-il, prouve l'inanité de la notion simpliste de l'unicité de l'espèce humaine. Il n'y a pas d'espèce humaine, il n'y a qu'une vaste famille d'hominidés qui descend l'échelle des couleurs, au sommet de laquelle est le blanc, l'homme véritable, pour aboutir à l'autre bout, aux tropies et aux chimpanzés. Il faut abandonner nos vieilles notions sentimentales et scientifiquement établir enfin la hiérarchie des groupes intermédiaires, abusivement dits humains. Voici donc, tout prêt à renaître, Frances, le fantôme grimaçant du racisme et ses infernales séquelles. Où fera-t-on passer la limite? Où les plus forts le voudront? Imaginez ce qui arrivera aux indigènes dans les colonies, aux noirs dans les états où se pratique la ségrégation, et d'une façon générale, à toute minorité ethnique. En fait, c'est déjà commencé. Tous les journaux de l'Union sud-africaine ont reproduit l'article de Drexler, avec de gros titres. Le Durban Express pose déjà la question. Les nègres sont-ils des hommes ? extrait du roman de Vercors, Les animaux dénaturés, qui est au cœur de notre série d'aujourd'hui, donc de cette semaine, consacrée à la préhistoire. C'est un roman qui met en scène justement, dans les années 1950, puisque c'est à ce moment-là qu'il est écrit par l'auteur du Silence de la mer, qui met en scène des chercheurs qui se rendent en Nouvelle-Guinée à la recherche de vestiges humains et qui trouvent donc une tribu qui n'était pas connue, dont il pense qu'il est une tribu entre, dans le chaînon manquant, entre les singes et les hommes. Pascal Semonçu, vous êtes avec nous, vous êtes spécialiste des mises en fiction de la préhistoire, vous avez travaillé sur cela en tant qu'historien. Là, on voit bien effectivement que Vercors se situe dans son époque. On est après les génocides des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La question du racisme a été mise en avant tout au long des années 30 et des années 40. Et il veut, en tant que grand résistant, s'en séparer. Oui, la question du racisme dans la représentation de la préhistoire, c'est une question qui est très compliquée. Et qui rejoint aussi la façon dont on conçoit l'hominisation. L'hominisation, que ce soit à l'école ou que ce soit à la fiction, l'hominisation est conçue comme un progrès, chaque individu étant plus élevé que celui qui le précède. Ayant des capacités supérieures. Voilà. Et cette hominisation, elle aboutit, comme de bien entendu, au chef-d'œuvre de la création. Au chef-d'œuvre de la création, c'est-à-dire nous. Et ça, c'est une constante dans la représentation de la préhistoire. Je dirais même que si la représentation de la préhistoire avait une mission, c'est bien celle-là, c'est-à-dire que de montrer que nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Et ça, si vous voulez, tout converge, que ce soit la fiction, mais la fiction sous toutes ses formes, le roman, le cinéma, la bande dessinée, la peinture, Burian, mais l'école aussi, l'hominisation, c'est une marche ascendante. Et quand on parle de l'école, jusque dans les années 1990, fleurissait dans les manuels scolaires la fameuse frise, hein, où on partait d'un espèce de singe hein, sur la gauche, et puis petit à petit, on se relevait, on perdait ses poils, et on arrivait au Playboy qui est Cro-Magnon. Donc, qui est blanc et blond, qui en général, blanc, sur la frise. Qui est toujours blanc et blond. Il parle aussi de Néandertal dans Vercors. Et c'est vrai que Néandertal, là aussi, Yves Coppens disait que c'était le fossile qui a été le plus maltraité dans l'histoire de la science. Ouais. Au début. Heureusement, il est réhabilité quand même depuis quelques temps. Oui. Alors heureusement, il est réhabilité. Vous voyez, cette formule quelque part m'étonne parce que. Je me demande si le rôle du scientifique, c'est de réhabiliter qui que ce soit. Oui. Mais il a tellement été maltraité. Il a tellement été maltraité. Mais alors, c'est l'effet du balancier que tous les historiens des sciences connaissent, ou tous les hommes politiques connaissent, ou tous les philosophes connaissent. On est trop allé dans l'acharnement, et là, maintenant, c'est Néandertal qui aurait tout fait, et qui serait même supérieur à Cro-Magnon. Oui, et cela, effectivement, Brigitte Senu, vous l'avez connu tout au long de votre carrière d'enseignante. Néandertal, pas vraiment, non, excusez-moi, non, j'étais pas non, née. Non, j'ai pas connu, vous n'avez pas connu Néandertal soi-même, mais vous avez connu, effectivement, ces retours de balancier, oui, ces oui, réinterprétations, ces nouvelles visions. Et c'est vrai que dans l'œuvre de Vercors, c'est une œuvre politique, qui dit quelque chose de la politique de l'époque, et qu'effectivement, on n'écrirait peut-être plus, sûrement plus d'ailleurs, comme cela aujourd'hui. Alors, il y a surtout une chose, vous avez fait allusion à cette fresque qui est en fait une fresque de Rudi Salinger qui était un illustrateur pour un livre d'évolution humaine. Mais cette fresque qui a été donnée dans tous les lycées, dans toutes les écoles, est une fresque qui a été tronquée. C'est-à-dire qu'on a gardé que la partie qui convenait au discours. Si vous prenez les parties tout à fait antérieures, on s'aperçoit que c'est un peu différent et qu'il y a plus de variabilité. Et on a gardé que celle qui montre qu'il y a une forme de singe qui se redresse. Mais ça, c'est complètement faux, on le sait depuis très longtemps. Alors, le souci qu'on a avec ça aussi, c'est que l'approche naturaliste a été très souvent oublié. L'homme, c'était l'évolution du cerveau, c'était un être qui arrivait au sommet de la création. Or, en fait, quand on remet l'évolution de l'homme dans un système naturaliste, eh ben, finalement, on est moins évolué que la girafe parce qu'on a un cou plus petit et qu'on ne sait pas s'adapter à bouffer dans les acacias, et qu'on est un peu plus évolué que d'autres pour d'autres caractères, par notre bipédique. Mais en fait, donc, en fait, on a un mélange de caractères à tous les moments. Et cette classification hiérarchique est absolument fausse et fait malheureusement encore débat. Victor Massé de l'Épinal. Alors la politique, elle était aussi au cœur du roman de Vercors avec un personnage qui s'appelle Van Cruizen, qui travaille pour la société fermière du Takura. Et lui, il veut évidemment, dès qu'il apprend l'existence de ces tropies, il veut les embaucher dans son usine textile pour les mettre derrière des métiers à tisser, en disant ils ont l'air assez évolués pour apprendre à faire quelques gestes élémentaires, et puis ils ne se syndiqueront pas, enfin ils réclameront pas de salaire, on peut en embaucher 5 pour le prix d'un. Des esclaves modernes. Et des esclaves moderne. Et donc là, ça devient une vraie question politique. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui déclenche toute l'histoire. Mais pour revenir sur ces lectures politiques de la préhistoire, Pascal Semonsu, vous nous dites que c'est une constante, cette évolution de l'arrachement de la nature sauvage et farouche vers un homme accompli. Et pour autant, c'est une constante, mais ça laisse néanmoins la place à des lectures divergentes. Je veux dire qu'il y a des fictions préhistoriques, vous allez peut-être nous dire, mais j'imagine marxistes ou marxisantes, et d'autres qui peuvent être beaucoup plus racistes, pour dire les choses comme ça. Alors, des lectures marxistes ou marxisantes, franchement, si vous voulez, j'en ai pas rencontré énormément. On peut pas dire que Rahan, par exemple. Rahan est dans PIF, donc. Journal communiste. Voilà, tout à fait. Pour un communiste, il est très individualiste, Rahan. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il se promène, il est tout seul, et il apporte la connaissance aux autres tribus. Il vit solitaire. Hein. Non, franchement, si on cherche dans Rahan un message crypto-communiste, c'est, me semble-t-il, faire un mauvais procès à Rahan. L'objectif, je pense, de Chéret et Lécureux, les pères de Rahan, c'est de montrer l'ingéniosité de l'homme. Ouais. Et c'est un MacGyver préhistorique. Oui, où on disait aussi un Superman Léonard de Vinci, voilà, de la préhistoire. Il invente tout, il crée tout, il invente même le deltaplane en étant accroché à des pattes de ptérodactyle pour s'échapper d'un endroit où il s'était malheureusement échoué. Il n'y a pas un message politique, comment dire, ciblé dans la préhistoire. C'est vraiment sur la conception que l'on a de l'humain, si vous voulez, que se niche la politique, l'homme qui est un aboutissement, l'homme qui est un chef-d'œuvre. Et Néandertal, le pauvre, a pâti pendant très longtemps de cette concurrence de Cro-Magnon, là. Alors, un nouvel extrait de ce livre de Vercors, ce roman de Vercors, 1952, Les animaux dénaturés, qui nous sert de prétexte à une réflexion sur la façon dont on montre la préhistoire dans la sphère littéraire. Un extrait des pages 129 et 130 du roman Les animaux dénaturés dans son édition du livre de poche. Et l'on appela le professeur Knatch, anthropologue notoire, que le Collège royal d'histoire naturelle avait proposé comme expert pour éclairer le tribunal sur la nature de la victime. C'était un petit homme ridé, grisonnant, un peu sourd, qui se passait constamment la main dans ses cheveux ébouriffés et parlait d'une voix rauque et pointue. À peine écouta-t-il la question posée par le procureur qu'il s'écriait « Je dis Dieu tout ça. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Si ces êtres-là sont des hommes? Bien sûr, ce sont des hommes. Ils font du feu, non? Ils taillent la pierre? Ils marchent debout, non? Il n'y a qu'à regarder leur astragale. Vous avez déjà vu des singes avec un astragale comme ça? Je ne vais pas vous le décrire, comprendriez pas. C'est un os du pied dans la cheville. Rien que s'astragale, ça suffirait. Sans parler de la rangée antérieure du tarse, longue comme des phalanges. Ils ont un pouce de singe et alors? Nous avons bien l'appendice. C'est un morceau de tympan qui nous vient des plésiosaures. Ça nous sert à quoi? Il doit encore vivre dans les arbres il n'y a pas longtemps, les tropies voilà tout, 50 ou 100 000 ans. Mais maintenant, ils y vivent plus, marchent debout comme nous. Des souvenirs du singe, on en a tous. Regardez les enfants qui apprennent à marcher. Marchent encore comme des chimpanzés sur le bord extérieur de la plante du pied. Regardez le gros orteil des Védas actuels. S'articulent en varus à pouvoir vous ramasser par terre une pièce de 6 pence. Ce sont pas des hommes alors? Faut s'entendre sur ce qu'on appelle des hommes. Les hommes de Ngongong, qu'est-ce que c'était? Et l'homme de Pildorn, tout près d'ici? Un crâne comme le vôtre ou le mien, Milord, sauf votre respect. Mais une mandibule de gorille. Et l'autre qu'on appelle Skull 5, avec son petit menton, ses petites dents, mais une visière susorbitaire comme celle d'un gibon. Vous en sortirez pas! La station droite, voilà l'homme! Par conséquent, la forme de l'astragale qui soutient tout, étroit et mince, c'est un singe, large et épais, c'est un homme. Voilà! Voilà, donc c'est aussi simple que cela. Il est très sûr, le professeur Knatch, dans l'œuvre de Vercors, Les animaux dénaturés, dont on parle aujourd'hui. Victor Massel-Lépinet. Oui, Brigitte Senu, je vous voyais rire pendant que vous écoutiez cet extrait. Cette tirade du professeur Knatch, c'est un des extraits des animaux dénaturés que vous avez sélectionné pour ce livre aux éditions La Ville Brûle, Variations sur l'histoire de l'humanité, parce que ce professeur Knatch, en quelques mots, il dit énormément de choses sur la conception des préhistoriens, des paléoanthropologues du XXe siècle, la station debout, la libération de la main, l'outil, la libération du cerveau, tout ça est lié, tout ça est cohérent. Eh bien, pas du tout. On va essayer de faire un peu de tri. D'abord, c'est très typologique. Et ça, ça correspond à une histoire des disciplines où on faisait de la typologie. Aujourd'hui, on travaille plus en termes de population et de transmission de caractère au sein d'une population. Qu'est-ce que ça change, alors? Ben, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous avez un torus un peu grand, vous allez être classé parmi les plus primitifs. Si vous êtes un peu moins grand, vous êtes moins primitif, etc. Alors qu'il y a une variabilité. Un torus, c'est donc ce qui est au-dessus des orbites. La proéminence sur l'orbital. Voilà, c'est voilà. Ça. J'essaye d'être... Ouais. Voilà. Ceci étant, ça, c'était il y a 50 ans. C'est pas si loin que ça. Il y a encore certaines personnes qui sont très typologiques. Mais il faut raisonner en termes de population, parce qu'on connaît des populations, il y a des torus plus ou moins marqués, et ça ne veut pas dire que certains sont des hommes et certains sont des singes au sein d'une même population. Mmh. Donc ça, je veux dire, d'un côté biologique, ça nous apportait énormément de choses, de mieux comprendre la variabilité, et cette variabilité n'était pas seulement purement typologique, elle avait des causes, ça peut être des variabilités de croissance, de sexe. On sait que les hommes et les femmes ne maturent pas tout à fait de la même manière, les singes pas tout à fait de la même manière, au même moment. Et donc, comprendre les primates actuels et les hommes modernes, ça nous a énormément aidé à décrypter ça chez les fossiles. Alors, le coup de l'astragale, bah, ça marche à deux capis près. C'est qu'effectivement, il y a des astragales bien humaines, bien qui sont un peu moins humaines, mais elles sont chargées de l'héritage locomoteur. Et c'est pas seulement un os. Moi, j'ai vu tellement de choses de faites sur un os ou un fragment d'os. Il faut aller plus loin sur le plus d'individus, le plus d'éléments d'un squelette. Et si on arrive à avoir des chaînes articulaires, des chaînes qui sont biomécaniquement efficaces, là, on peut se permettre de parler de locomotion, la manière dont les gens ou les êtres se déplacent. Alors, pendant très longtemps, on pensait finalement qu'il y avait l'homme et le singe, deux schémas totalement différents. Et puis, quand on a commencé à travailler plus finement sur les australopithèques, on s'est aperçu qu'ils avaient des caractères plutôt humains, avec des mélanges de caractères un peu moins humains. Et c'est comme ça que j'ai émis l'hypothèse dans les années 70 que les australopithèques pouvaient grimper aux arbres. Alors, je vous raconte pas l'hérésie totale. J'ai même été dans un congrès international traité devant 400 personnes d'hérétiques, ce qui est quand même grave. Ça veut dire que certains collègues... Vous étiez la Galilée du XXe siècle. Ah non, mais je vous assure, quand vous êtes sur une estrade à l'American Museum, Coppens m'avait demandé de présenter les travaux de l'équipe française et je me trouve face à un parterre de 400 personnes où un collègue se lève en disant « You are an heretic ». Vous vous trouvez terriblement seul dans un parterre de messieurs, parce qu'il y a aussi le côté très, très, très... Bien sûr, genré. Bah, très genré, bien sûr. Voilà. Oui, et tout de même, il y a aussi cette idée, et ça, vous vous attendiez sûrement pas à cela, du retour du créationnisme dans les dernières décennies. Par exemple, c'est-à-dire que par rapport à ces années de Vercors qui se voulaient aussi comme une sorte de triomphe de la science, magnification de la science et du darwinisme, on a beaucoup changé depuis. Ça m'appelle deux choses. Ça, le créationnisme, malheureusement, ça revient sous des choses un petit peu plus qui ont l'air scientifiques. On appelle l'intelligent design, le dessin intelligent, où finalement l'évolution est orientée et on retombe les mêmes discours avec des. On a modernisé le discours, quoi. En gros, on a c'est l'arrobage qui a été modernisé. Moi, je dirais. Alors, je vais peut-être me faire démolir par certains collègues, mais je veux dire, s'il n'y a pas aussi des évolutionnistes qui sont extrêmement violents, ça n'appellerait peut-être pas une réponse aussi violente des créationnistes. Je crois qu'il faut être aussi mesuré dans nos débats et dans notre appréciation de la science aussi. Pascal Sebonsu, sur ces questions justement de la création, de la place de Dieu dans l'intelligent design, la préhistoire racontée en fiction, ça a pris sa place ? Alors, dans la préhistoire racontée, dans la préhistoire de fiction, il n'y a pas de créationnisme, au moins en France. Si vous voulez, comme je le disais, c'est une hominisation, c'est une évolution, c'est pas une création ex nihilo par Dieu. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la fiction, pas dans la littérature, pas dans le cinéma, qui évidemment n'est pas dans l'école. Mais si je peux me permettre, dans l'extrait qui a été lu, il y avait comme définition de l'homme le feu. Et c'est vrai, Bachelard, quand il parlait dans sa psychanalyse du feu, il disait, quand on regarde le feu, c'est toujours une observation hypnotisée. Et c'est vrai que le feu, ça apparaît dans toute la littérature de fiction. Il n'y a pas un seul ouvrage de fiction qui met en scène la préhistoire où il n'y a pas le feu. Et si vous voulez, dans la représentation de la préhistoire, ce qui fait l'homme, c'est deux choses. C'est l'outil. Alors évidemment, l'outil, ça a beaucoup changé, mais moi je parle de la représentation de la préhistoire et non pas de la science, mais pour la représentation de la préhistoire, l'homme, c'est l'outil. Et l'autre chose, c'est aussi l'homme, c'est le feu. Et pourquoi il y a cette insistance sur le feu ? C'est parce que le feu marque véritablement la frontière entre l'homme et l'animal. Parce que grâce au feu, l'homme cuit l'animal. Et grâce au feu, l'homme éloigne l'animal. Il y a un aspect symbolique dans le feu extrêmement important et qui explique la place également très importante qu'il a dans la représentation de la préhistoire. Et qui explique peut-être aussi combien nous avons été très surpris des feux dans Paris il y a très récemment, le week-end dernier, parce que effectivement, ça fait partie toujours de cette question de la violence par le feu qui peut se déchaîner à tout moment. Alors, en tout cas, on va pas dévoiler la fin de ce livre de Vercors, qu'on incite bien sûr tous les auditeurs à lire, puisqu'il est très, il est court, il est très agréable et très amusant. Il faut néanmoins dire que, donc, il s'agit d'un procès. Les tropies sont-ils des hommes? On en arrive évidemment à la question, mais il faudrait savoir ce qu'est un homme. Et là, on n'y arrive pas. Alors, on fait venir des religieux, on fait venir des scientifiques, on fait venir des zoologues, on fait venir toutes sortes de gens. Et l'extrait qu'on va maintenant entendre est un extrait qui nous montre comment les questions finissent toujours par tourner en rond. En comparant l'intelligence de l'homme et de la bête, reprit Sir Arthur, le professeur Rampol nous a en somme moins parlé de quantité que de qualité. Il a même précisé qu'il en va toujours ainsi dans la nature. Une petite différence de quantité peut provoquer une mutation brusque, un changement total de qualité. Par exemple, si l'on chauffe de l'eau, on peut lui ajouter des quantités de calories sans qu'elle change d'état. Et puis, à un certain moment, un seul degré suffit pour qu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. N'est-ce pas ce qui s'est passé pour l'intelligence de nos ancêtres ? Un petit supplément de quantité dans les liaisons cérébrales, peut-être même insignifiant, lui a fait faire un de ces sauts qui a déterminé un changement total de qualité. De sorte, « C'est une opinion subversive !» dit le gentleman aux manchettes. « J'ai lu des choses pareilles dans je ne sais plus. Mais enfin, mais c'est du pur matérialisme bolchevique ! C'est une des trois lois de leur dialectique !» Le professeur Rampol, continuait Sir Arthur, a précisé ce changement de qualité. La différence entre l'intelligence de l'homme de Néandertal et celle d'un grand singe ne devait pas être bien grande en quantité, mais elle a dû être énorme dans leur rapport avec la nature. L'animal a continué de la subir. L'homme a brusquement commencé de l'interroger. Or, pour interroger, il faut être deux. Celui qui interroge, celui qu'on interroge. Confondu avec la nature, l'animal ne peut l'interroger. Voilà, il me semble, le point que nous cherchons. L'animal fait un avec la nature. L'homme fait deux. Pour passer de l'inconscience passive à la conscience interrogative, il a fallu ce schisme, ce divorce. Il a fallu cet arrachement. N'est-ce point la frontière, justement ? Animal avant l'arrachement, homme après lui. Des animaux dénaturés. Voilà ce que nous sommes. Quelques secondes passèrent avant qu'on entendît le colonel Strong murmurer. « Je n'ai pas sous. Ça explique la pédérastie. Ça explique, dit Sir Arthur, que l'animal n'ait pas besoin de fables ni d'amulettes. Il ignore sa propre ignorance, tandis que l'esprit de l'homme, arraché, isolé de la nature, comment ne serait-il pas à l'instant plongé dans la nuit et dans l'épouvante? Il se voit seul, abandonné, mortel, ignorant tout, unique animal sur terre, qui ne sait qu'une chose, c'est qu'il ne sait rien, pas même ce qu'il est. Comment n'inventerait-il pas aussitôt des mythes, des dieux ou des esprits en réponse à cette ignorance, des fétiches et des gris-gris en réponse à cette impuissance? N'est-ce pas l'absence même chez l'animal de ces inventions aberrantes qui nous prouve l'absence aussi de ces interrogations terrifiées? On le regarda sans rien dire. Mais alors, si ce qui a fait la personne, eh bien cet arrachement, cette indépendance, cette lutte, cette dénature, si pour admettre une bête parmi les hommes, il faut qu'elle ait sauté ce pas douloureux, à quoi, à quel signe enfin reconnaîtra-t-on qu'elle l'a fait? On ne répondit pas. Voici donc le dernier extrait de ce jour des animaux dénaturés de Vercors, avec ses questionnements juridiques, pourrait-on dire, sur la nature de l'homme. C'est une question que vous avez sûrement vue beaucoup, très présente dans la littérature, les fictions autour de la préhistoire, Pascal Somonçu, sur lesquelles vous travaillez. Oui, tout à fait. L'arrachement à la nature... Peut-être que la représentation de la préhistoire réussit un petit peu ce tour de force de présenter l'homme comme un animal certes dénaturé, mais comme un animal culturel. C'est-à-dire qu'il réussit à mêler les deux en même temps. Mais c'est aussi extrêmement subtil parce que cet arrachement à la nature, on revient dessus, et notamment avec la vision qu'on a de Néandertal aujourd'hui. Pourquoi Néandertal devient aussi populaire aujourd'hui? C'est parce que il ne s'est pas arraché à la nature. Je parle de représentation. Il ne s'est pas arraché à la nature comme Cro-Magnon. Et ça, c'est devenu un modèle et qui est tout à fait en adéquation avec les problèmes sur l'environnement, le retour à la nature, etc. Même question pour vous, Brigitte Senu. Est-ce que cette limite entre l'animal et l'humanité, c'est ce qui anime les scientifiques? Je vous demande à vous. Mais... Oui, je dirais plus trop maintenant. On cherche toujours la grande dichotomie pour comprendre l'origine de la lignée. Mais c'est pas... moi, ce qui me gêne plus, c'est là dans le texte de Vercors, il parle d'animaux qui vont subir la nature, enfin l'animal qui va subir la nature et l'homme qui l'a subi. Non, l'animal, il subit pas la nature. Mmh. Il est dans son environnement. Et quand on voit aujourd'hui que des chimpanzés ont des pharmacopées, ils utilisent la nature pour leur bien-être. Ils ont des outils, ils ont des capacités cognitives qui sont de plus en plus importantes, bon, pas humaines encore, enfin, peut-être un jour, on ne sait jamais, avec l'évolution, dans quelques millions d'années. Mais en tout cas, pour le moment, ils ne subissent pas la nature en tant que telle. Et moi, si on repose ça dans un débat politique actuel, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est quand on parle aujourd'hui de l'homme et de la biodiversité. L'homme fait partie de la biodiversité. Mmh. Et malheureusement, au cours des temps, on a laissé sortir l'homme de son milieu. C'est-à-dire qu'on l'a posé, même inconsciemment, en tant qu'opposant à la nature. Or, en fait, naturellement, c'est une espèce qui est invasive, qui est destructrice, qui est tout ce que vous voulez, mais elle fait partie de la nature. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, on a de la chance de vous avoir aujourd'hui, Brigitte Senu, parce que hier soir, vous n'avez pas eu le temps de le lire, dans le Monde des Sciences, le supplément Sciences du Monde, eh bien, il y a un article de Bruno Meyerfeld, consacré, qui a été longtemps correspondant du Monde au Kenya, consacré à, dont le titre est « Mais où est donc passé Aurorine, ce fossile disparu ?» Vous êtes une des deux découvreuses de Aurorine. Ah non, je fais partie de l'équipe qui l'a découvert. Voilà. On n'est pas que deux. Il y a quand même une équipe et tout le monde a trouvé un morceau. D'accord. Alors, ça m'agace quand on est. Non, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on vous présente. Mais c'est ça qui est dommage parce que. Comme on présente Yves Coppin, c'est Lucie. Voilà. Oui, mais derrière des hommes et des femmes, il y a des équipes et il y a des gens qui font plein de choses. Vous avez tout à fait raison. Et alors, et donc, la question de ce. Deux pages tout de même dans le Monde des Sciences. Oui, mais où est donc passé Aurorine, ce fossile disparu? Il a disparu, ce fossile? Non, il n'a pas disparu. Non, il n'a pas disparu. On sait très bien où il est. Il va revenir aux communautés locales très bientôt, certainement. Donc, on attend ce retour officiel. Pour l'instant, c'est l'ancien directeur du musée avec lequel on travaillait qui le garde. Voilà. c'est tout. Et donc, mais il n'a pas disparu. On a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, des photos. Des gens, des populations l'ont vu, donc on sait qu'il n'a pas disparu. C'est donc cette trouvaille que vous avez faite en commun, et j'insiste, puisque vous avez beaucoup insisté là-dessus, sur l'idée que c'était une équipe qu'il avait trouvée, qui, d'une certaine façon, a été dans un débat interne au milieu kényan, a été donc gardée par un des chercheurs avec lequel vous avez travaillé, et qui, depuis, donc, est conservé dans un endroit que on imagine, enfin on sait où il est. Oui, on sait où il est. Oui, il est dans une banque, dans un coffre, voilà, pour le moment. Et il devra être rendu, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Il va revenir. Il y a des démarches qui sont faites depuis plusieurs mois. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu dommage que cet article, visiblement, n'est pas tout à fait bien informé sur certaines choses. Mais enfin, j'ai pas lu l'article, donc je réponds à votre question. Voilà. Voilà. Donc on sait où il est. En tout cas, vous savez où il est. Et vous imaginez qu'il va bientôt ressortir et qu'il sera visible par. Oui, c'est là je rentre du Kenya. Je veux dire, c'est. Donc moi je m'affole pas du tout, d'ailleurs est-ce que j'ai l'air affolé? Vous n'avez pas l'air affolé du non, tout. Pas du tout. Donc, et puis saluons aussi le portrait en dernière page de ce même monde des sciences, de quelqu'un que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Marin Dacos, héros de la science ouverte, qui a été un des innovateurs, pourrait-on dire, des humanités numériques en France, et qui a surtout créé des sites qui sont bien utiles à tous les chercheurs et à tous ceux qui s'intéressent à la recherche aujourd'hui. Merci d'être venu, Brigitte. Merci Senu. À vous. Je précise que vous avez participé à Variation sur l'histoire de l'humanité, à La Ville Brûle, donc c'est les éditions La Ville Brûle, donc avec une préface d'Yves Coppens. On peut dire aussi que demain sort en kiosque Papier, donc Papier qui est cette revue de France Culture, donc le numéro 27 est consacré pour son dossier à Sommes-nous encore démocrates, mais il y a un entretien avec Claudine Cohen pour les femmes de la préhistoire, un entretien qu'elle a accordé à notre confrère Nicolas Martin de la méthode scientifique. Il faut dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de publications autour du sujet qui nous intéressent, Anthologie de la préhistoire littéraire, c'est publié dans la revue Sédiments 7, les grands cahiers patrimoine. Périgord Patrimoine, pardon, avec des dessins de Gérard Titus Carmel sous la direction de la même Claudine Cohen et de Romain Bondonneau, donc toutes ces publications autour de notre sujet de la semaine. Et puis Pascal Semonsu, on trouve votre travail, votre livre. Oui, tout à fait, Le passé du fantasme. Et donc, on le met en chez Errance et on le met en lien sur notre site. Donc, et il faut dire que nous allons terminer notre semaine donc avec votre documentaire, un documentaire rare que vous avez tourné avec Anne Fleury, Victor Massé de l'Épinay, en Afrique du Sud, lors d'un voyage qui a été soutenu par l'IFAS Recherche et l'Institut français à Paris. Et ce documentaire s'intéresse à Littlefoot. Vous avez rencontré son inventeur ou son découvreur, Ron Clark, et vous êtes également allé dans la grotte de Sterkfontein où Littlefoot a été trouvé, guidé par Laurent Bruxelles, et à l'université de Wits, où le squelette est entreposé. On écoute un extrait de ce documentaire demain. Là, Laurent Bruxelles, à quelques mètres de l'endroit où Littlefoot est tombé, on est devant une maison en tôle ondulée, qui est le laboratoire dans lequel Ron Clark a nettoyé avec ses équipes Littlefoot. C'est ça, on est juste à quelques mètres de la sortie de la grotte où Littlefoot a été extrait. Il y a une entrée qui est juste là, donc ça permet à Ron Clark d'amener les ossements ici. Et oui, alors donc c'est encore dans son jus, hein, il y a une ambiance extraordinaire dedans, puis il y a encore tous les fossiles de comparaison, donc dès qu'il trouvait un os, ça lui permettait tout de suite d'aller comparer, de voir à quoi le raccorder. Donc ça c'est de l'Australopithèque, donc voilà l'ancêtre du genre Homo. Ça ce sont nos cousins d'évolution, ce sont des paranthropes. Voilà, donc Australopithèque va donner naissance à Homo et aux paranthropes. Alors moi, c'est une brute épaisse, hein, le paranthrope, des très très grosses dents parce qu'il mastiquait des racines. Voilà, un crâne, une face très très plate et des os toujours assez assez démesurés, une belle crête sagittale. C'est un lieu historique. Donc j'ai la chance d'avoir pu initier cette étude sur la colonne vertébrale de Littlefoot. Donc là, on est en cours donc de développement de ce projet. Mais les vertèbres chez des spécimens aussi anciens, il y a beaucoup de problèmes d'identification, de savoir comment placer la vertèbre dans la colonne vertébrale, mais aussi savoir si ces vertèbres sont effectivement de l'hominine, puisqu'il y a eu ce cas un peu historique de la découverte d'une vertèbre de babouin dans la colonne vertébrale de Lucie, et qui a été faite très récemment, donc un papier de 2015, donc qui montre bien que finalement on connaît très peu de choses sur la morphologie des vertèbres, des hominines, des australopithèques aussi anciens, et qu'il faut être très prudent et qu'il faut vraiment organiser une révision en fait de ce matériel. Et donc c'est ce qu'on entreprend avec Littlefoot, de vraiment établir une base de données comparative pour essayer de décrire au mieux cette colonne vertébrale et c'est en fait ces vestiges des hominines de Sterrefontein. Donc c'est important pour vous de revenir aux conditions de découverte de Littlefoot. Oui, et on a la chance dans l'équipe à Sterrefontein donc de pouvoir combiner des études donc notamment effectuées par Laurent Bruxelles sur vraiment les conditions de formation de la grotte et de savoir comment ou pourquoi le squelette a été retrouvé dans ces conditions et aussi de combiner des études ce qu'on appelle les études taphonomiques, c'est-à-dire les processus de fossilisation. Pourquoi les os en fait se sont retrouvés dans cet état-là? Pourquoi ont été fossilisés dans cette position et savoir ce qui en fait a contribué en fait à ces conditions exceptionnelles de fossilisation. Voilà donc l'extrait de votre documentaire. C'était une belle balade, en l'occurrence. Une belle balade avec Anne Fleury et Hélène Langlois. Oui, c'était formidablement intéressant. Et j'espère que demain, on entendra un peu l'ambiance de cette grotte où Brigitte Senu est descendue voir le squelette de Littlefoot. Oui, je l'ai vu il y a bien des années, juste après la découverte quasiment, où il y avait ce squelette qui était visiblement... l'hominidé était tombé et était dans des positions assez intéressantes. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé. Vous l'avez vu en place quand il était. Place, il n'avait pas été encore dégagé de non, la. Non, il était en place. J'ai plein de photos de la découverte, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai vu ce squelette, c'était évident, mais Ron le pensait déjà. Vous l'appelez Ron par son petit prénom. Ah, bah oui, mais je le connais depuis tellement longtemps, plus de 30 ans. Alors il y a un moment où il y a prescription. C'est ça. Et c'est vrai c'est que. Ron Clark. C'est Ron Clark. C'est vrai que moi, ce qui était important, c'est que ce squelette montre clairement la dualité de locomotion. De la bipédie et du grimpé. Et ça, c'est important quand on remet dans le contexte de l'époque, le contexte... Vercors, on ne parle pas beaucoup dans son roman, c'est dommage, de l'environnement et l'impact de l'environnement sur l'évolution, qui est fondamental. Merci beaucoup, Brigitte Senu, et merci à vous, Pascal Semonçu, d'être venu aujourd'hui pour évoquer l'œuvre de Vercors, Les animaux dénaturés. Et puis, citons tout de même le travail de Nathalie Gibert, qui a fait sa thèse sur Vercors, et qui a un site consacré justement à Vercors écrivain, où elle a fait un article en particulier où elle imagine effectivement que Vercors a peut-être lu, en tout cas a été sûrement inspiré par des travaux de Jules Verne pour pouvoir imaginer ces animaux dénaturés. Vous pouvez le lire sur le site de Nathalie Gibert qui s'intitule Vercors écrivain. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Kevin Boisseau nous a accompagnés aujourd'hui à la technique, Anne Fleury à la réalisation et l'histoire. On en parlera encore sur France Culture ce soir avec l'émission donc Matière à penser avec Patrick Boucheron. Et son thème cette semaine, c'est Au nom du peuple. Et il reçoit Laurent Lombard, traducteur, et Jean-Paul Manganaro pour évoquer l'œuvre de Dolores Prato, un penchant pour le peuple. Donc, Au nom du peuple, c'est le thème de l'émission de Patrick Boucheron. Ce soir à partir de 22h15 sur France Culture.